Mon passé se colle à moi, comme l'emplâtre d'une plaie. Je tourne et tourne dans le cercle bête où s'est écoulée une partie de ma jeunesse. On me punissait pour tout. Dans toutes ces rues de Nantes, je me croise à chaque instant avec d'anciens cancres qui ne s'en portent pas plus mal. Ils n'ont pas du nerf de se souvenir qu'ils étaient les derniers dans la classe. Ils sont entrés dans l'industrie, quelques-uns ont voyagé. Ils ont la mine dégagée et ouverte. Ils se rappellent que je passais pour l'espoir du collège. « Eh bien, que deviens-tu? Vas-tu un de ces jours faire parler de toi? Dis donc, est-ce vrai que tu t'en es mêlé et que tu as failli être tué en décembre? Que fais-tu? Va-t-on un de ces jours entendre parler de toi? Que répondre? Un matin, je disparaîtrai pour n'avoir à rougir devant personne de n'être rien, de ne rien gagner, sans aucun espoir d'être quelqu'un, ni de jamais gagner quelque chose. Je suis le seul, peut-être, à Nantes, qui vivent cette vie de malheureux. Je ne sors plus le jour, je me cache. Je vis comme les bêtes de nuit, je fuis les rues éclairées, je me croise avec les mendiants et les maniaques. C'est épouvantable. Sur la place, à certaines heures, on entend des plaisanteries sur Bonaparte. Il y a tout de même foutu dedans, les républicains. Et de rire. Je préfère encore le silence écrasant du quai et le spectacle désolé de la rue. Où est donc la vie? La vie. Le peuple. Où est donc le peuple ici? Trouverai-je quelque part dans un coin quelqu'un à qui je puisse compter mon supplice? Il faut à tout prix que je trouve une besogne à faire. Je m'adresse à d'anciens camarades. L'un d'eux présente à la fin à son père qui me déniche une répétition. Ils ont été séduits par le marché. Vous donnerez ce que je voudrais, ai-je dit. Moyennant 20 francs par mois, j'enseignerai 1 heure par jour un petit mulâtre dont le père de mon camarade est le correspondant. Je reviens. C'est l'heure du dîner. Ma mère est seule à table. Il paraît que tu donnes des répétitions au rabais maintenant. Mon père entre sur ses entrefaites. Il essaie d'être calme, mais il ne peut y parvenir. Il est forcé de se lever et sort, pâle comme un linge. J'interroge ma mère. Mais malheureux, si tu fais payer tes répétitions 20 francs, comment veux-tu que ton père les fasse payer 40? Ton père en est malade. Le soir de ce jour-là, dans la maison où je devais aller, l'homme disait à sa femme. Comprends-tu, ce fils vintra? Nous convenons hier qu'il viendra donner des leçons à Virgile. C'était le nom du petit mulâtre. Il m'écrit ce matin qu'il ne faut pas compter sur lui. Quel braque! Dis plutôt quel feignant! J'ai vu ça tout de suite que c'était un feignant. Ah! Son pauvre père n'a pas de chance. Si j'allais trouver des fils d'armateurs maintenant, non plus pour avoir des répétitions, mais pour obtenir de partir sur un navire qui m'amènerait loin de mon père qui a si peu de chance, loin de ma mère qui est si désolée. J'irai n'importe où, là où il y a la fièvre jaune, la peste noire, la loi de Lynch, mais où je pourrais défendre ma liberté à coups de fusil ou à coups de couteau. Je me ferai chercheur d'or ou chasseur de buffles. J'irai peut-être avec des aventuriers envahir un pays, tuer un roi, relever une république, ce qu'on voudra. Ou bien je vivrai sur un corsaire, quitte à être pendu et à mourir, en tirant la langue au bout d'une vergue. C'est entendu. J'essaierai de m'évader sur l'océan. Il y a bien la bibliothèque, mais je suis arrivé à en avoir l'horreur. Je croyais alors à ce que je lisais. Je n'y crois plus. Les martyrs de Chateaubriand m'ennuient. Et je n'ai pas besoin non plus de savoir comment vivent les gens dans les forêts vierges. Je vous conseille Marmontel maintenant, les Incas. Dites donc, vous, avez-vous vu les canons du coup d'État? Les assassinés de la rue Montmartre? L'enfant de la rue Tiquetonne? Le soleil brûlant des Incas. Moi, j'ai vu le ciel glacé du 2 décembre.